Kai. Nixon. Karim. Tu sais, parfois l'amour a plusieurs facettes. Je pense très souvent à toi. J'aimerais me dire que t'es la bonne, je m'entête. Je me sens ce je ne sais quoi. Et ces souvenirs qui me reviennent sans cesse. Dans ma tête, j'ai perdu tous mes repères. Je devrais t'oublier, mais en fait. Tournez-vous les mains, nous la guerre.